Nakende nange stade Tata Raphaël. Nakende ndekota la FC Dragon. Nakende nange stade Tata Raphaël. Nakende ndekota la FC Dragon. Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Kabe ya capitaine, bakwanga na didi, benga dirango, vila na lukumina. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Zongo national, mulele na Ezebio, benga Mertens, barometre ya somo. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Misisa na Masiala, Carole Apollo, Bosimba FC Dragon, Yabana Mboka. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. President Rodal, Major C. Paulusi, Benga Baro Manuka, Bosimba FC Dragon. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Nakende nange stade Tata Raphaël, nakende ndekota la FC Dragon. Matata, Roa, você está com a mancha.